sais qu'avec ces nouvelles températures fraîches, on va finir par s'enrhumer. Hein. Tu crois? Je pense. Mmh, je pense aussi. Faudrait peut-être qu'on pense à prévoir une petite laine. Et un petit damar sous le pantalon. Eh ben écoute, mon gars, avec ça, ça te tient chaud. Sous le pantalon. Sous le pantalon. Tout à fait. Quand tu m'as dit un petit damar, je pensais genre sous un sweat ou sous un t-shirt. Ah non, même. Non. Sous tu mets pantalon. Un petit legging. Oh, merveilleux. Damar sous le pantalon. Ben, j'ai envie de te dire que ça fait rêver. Oh, bah, totalement. Est-ce qu'on y va? Quand ça? Où ça? Ah, dis-moi tout. Eh ben, est-ce qu'on se lance tout dans ce nouvel épisode? Lequel? Le 8e. Déjà? Et oui. Putain, mais le temps passe vite. Je vois hier, on était... Le 7. Et puis là, tu vois... Le 8. C'est fou. C'est dingue, hein? Ben non, mais... Ça veut dire que c'est bon? Où va-t-on? D'accord. Ben, je suis toujours en train de... Mais ouais, on peut non, y aller. Non, mais c'est pas grave, pas de soucis. Je vais meubler pendant que tu fais tes trucs. Ok, ben t'as les cartes, hein, si tu veux. Alors, bienvenue dans ce 8e épisode de la saison 2 de Road to Hellfest. Évite de boire alors qu'on n'a pas trinqué. Merci. Non, oh. Voilà, merci. C'était pour t'appeler en fait. C'était l'appel au trinquage. C'est pour éviter de l'oublier. Tiens, heureusement que je suis là quand même. Donc encore avec cette semaine un énorme programme. Mais arrête de mentir aux gens comme ça. Ils vont le voir là. Bah oui. Ils vont vite s'en rendre compte. Du coup, as-tu passé une bonne semaine, Bob? Ça a été. Je suis fatigué, mais ça va. Je tiens debout encore. Bah, parle beaucoup de ta semaine, ça va m'aider moi pour faire d'accord. Un peu de remplissage. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pas grand chose d'intéressant, j'ai bossé. Mais si, t'as acheté Tekken. Ah ouais. Bah, je m'en fous moi. Et j'ai parlé de justice. Ah tu balances toi, carrément. Ah, je m'en fous. En fait, j'ai hésité entre... Ah oui, ça c'est intéressant. Ouais. Pourquoi ce choix? Je voulais prendre Assassin, puis j'ai pris Tekken parce qu'il était cher. Assassin? Ouais. Mais non, fallait pas prendre Assassin, t'es fou toi. Pourquoi? C'est ce qui se passe dans Assassin's Creed. T'as déjà fait un Assassin's Creed? Ouais. C'est le même. Ouais, en même temps, la jouabilité, c'est pas faux. C'est exactement la même chose. Toujours un peu la même chose. Non, mais après, il n'y a pas que moi, il y a mon fils aussi qui... On a tous des problèmes. On a tous. Non, mais je pensais que t'allais prendre un petit Street Fighter 5, moi. Ouais, mais c'est peut-être mon futur achat. Ouais, bon, oui. Je me gosse. Je vais peut-être prendre le 1. Pour commencer... Non, mais comme... on en parlera hors antenne, mais au mois de janvier, il y a une version arcade qui va sortir à 30 ou 40 boules et t'auras les deux season pass avec tous les persos dedans, tout ça. Sérieux? Oui. Bah écoute. Mais oui. Autant que j'en profite. À ce moment-là. Tu me rebalanceras le... L'info. Qui est au courant. Hein, je suis un petit peu ce truc-là. Ouais, oui, parce donc, qu'on fait coup, pas que cinéma, on fait aussi jeux vidéo. On fait aussi jeux vidéo. On est sur Twitch, tout. Cherchez-nous. S'il y a de la demande, on le fait. Hein. Ouais. les deux. Du coup, est-ce que c'est un bon jeu de combat? Bah, je suis encore, je te dis, en phase découverte, et vu que je peux pas trop jouer. C'est ça. Ouais, ça reste. Bah, après, c'est un peu le même principe que les Assassin's Creed. T'as déjà joué à Tekken? Ouais. Eh bah, c'est pareil. Ouais, cool, j'aime bien. Bon bah voilà, du coup bah on va peut-être commencer. Donc cette semaine du côté du Hellfest, on peut dire qu'il y a eu vraiment un gros retournement de situation. Un gros retournement de situation avec pour le coup zéro putain de news. Mais alors rien. Je pense que comme je te disais, c'est pour nous mettre des bâtons dans les trous. On va leur pourrir leur podcast. Jusqu'à quand ils vont tenir? Ah, c'est ça. Mais on va tenir, on lâchera pas. Et ben, ils vont annuler le festival exprès pour nous faire chier. Non, parce que je veux pas être méchant, mais là on arrive fin novembre quand même. Tout à fait. Je peux même, pour être plus précis, dire demain on est le 30, et je le sais, parce que c'est mon anniversaire. Ah la vache, putain, alors tu me le dis pas quand on est perso, et là tu le dis devant des millions de gens. Quoi. Alors calme-toi sur les millions, peut-être un. Oui, bon, ça revient au même. Ouais. Pareil, tous les ans. Mais non, mais c'était pour le placer comme ça. Bam. Alors, parce que personne ne le sait, c'est une date secrète. Ouais, ma mère cherche personne, encore. Personne ne sait qui tu es, en fait. Donc c'est ça l'avantage. Je vous donnerai son nom, son adresse. Ouais, vous serez les premiers surpris quand vous apprendrez qu'en fait, je suis Emmanuel Macron. Eh oui. Non, mais au repas de ce soir avec mes colocataires, parce que tu sais que je vis en colocation. Tout à fait. L'un de mes colocataires a dit « Ah, ça aurait été vachement bien que le Hellfest sort un calendrier de l'Avent. » Et mon deuxième colocataire, la plus vieille, a dit « Ah, ça aurait été bien qu'ils fassent ça avec un système où chaque jour, ils annonçaient un nom de groupe. » Et j'ai dit « Ouais, ça aurait été mieux que ce qu'on a pour l'instant. » C'est clair. Que du pas. Tu vois, Mais c'est vrai, en même temps, ça serait pas con. Bah ouais, carrément. Quitte à faire quelque chose. Bah ouais. Tu vois, parce que vu qu'ils ont commencé par annoncer. C'est pas con, ça. Hein, t'as vu. Ouais, les gars, hein, Hellfest, c'est pour vous. D'ailleurs, en parlant de ça. C'est gratuit. Je suis un petit peu déçu. Ah ouais? Ouais, parce que je les ai un peu tagués, je les ai alpagués. Un peu du genre, hé les gars, on vous parle. On... Pas de réponse, pas de retour. Ça m'a fait un peu mal, tu sais, parce que c'est un peu le festival de l'ouverture musicale. Quand même. Et du coup. D'esprit, d'amour. On ne sait toujours pas, quoi. Donc voilà. C'est la principale news. C'est quoi, l'année prochaine, on fait Road to les Hétéroclites, quoi. Ça va être bien plus simple. Ah, oui et non. Bah si, on fait une émission. Voilà, une émission, c'est ça. Ah, on pourrait faire un hors-série, hein, par contre, mais il n'y aurait pas grand-chose. C'est pas chaud. On arriverait à trouver. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Hein. Et avec potentiellement beaucoup d'interviews de groupes, là, je pense qu'ils ne seraient pas tous contre. C'est possible aussi, ça. Non, mais on va être obligé de se diversifier. On ne va pas pouvoir rester à parler du Hellfest, vu qu'il n'y a rien à dire. Ou alors, on parle de... Tu vois, bah, par exemple, si t'avais lu le livre, on aurait pu en parler. Oui, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas bête, ça. T'as vu? Ouais, si j'avais lu le livre. Ça fait combien de temps que tu l'as? Bon, ça doit faire depuis la dernière saison, donc à peu près une douzaine d'années. À peu près. Tu regardes s'il est là? Non, mais j'ai dû le mettre sous une table. Pour la caler. Pour la caler. Et ben bah voilà, donc on ne peut même pas en parler. Voilà. Très bien. Ah bah bon. Du coup, on va quand même essayer de parler de 2-3 trucs. Bah, bien sûr. Histoire de dire. Avant toute chose, il me semble que tu voulais dédicacer cette émission. Oui, bien sûr, tout à fait. Je voulais la dédicacer à Jean-Pierre Raffarin. Non, c'est pas Nicolas. Non, mais non. Ah, mais non, mais il est pas là. Oui. Ah, Clément. Hey, salut Clément. Donc voilà, tu es une des rares personnes, hein, on peut le dire, à avoir tout simplement Fait un retour. Fait un petit retour. Qui était fort plaisant. Tout à fait. Et au nom de tout Road to Hellfest Prod. Voilà, c'est ça. On te remercie. Et donc, on te dédie cette émission. Elle est à toi. Elle est pour toi, c'est cadeau. Voilà. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux t'en servir pour écouter de la pour caler des tables. C'est plus dur. Si tu as besoin d'un coup de main, déménagement, un truc, on connaît des gens compétents. Voilà. Il s'appelle Anthony, on ne dit pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Tiens, d'ailleurs, une petite aparté. Non, Thibaut, c'est méchant. Hein? Est-ce que tu avais une... je l'ai pas. Non, je ne... j'en ai eu, mais... Oui, t'en as plus. Plus maintenant. Ah, merde. Ah, c'est mal, ça m'aurait... Tiens. Ah, je rebondis. Il y a eu une news très sympa vendredi pour le Black Friday. Nos amis de chez... Exact. Nos amis de chez Black Deezer Record. Oui, exact. On fait un truc qui était quand même extrêmement stylé. Oui, tout à fait. Mis tout leur catalogue audio. Bah en fait, oui, il y a trois compiles, on va dire. En parler. Il n'y a pas que ça. Bah moi j'ai pris que ça du coup, mais c'est déjà énorme. Oui, c'est déjà énorme. C'est pas ça, mais oui, mais oh, disons. Mais non, c'est pas ça. Oui, vas-y. Alors oui, vas-y. Vas-y. Dis-nous. Non, toi. Non, moi j'ai pu en fait prendre. Alors désolé les gars, j'ai pas trop balancé le rond, mais je le ferai un jour, hein, parce que c'est marqué en fait, hein, si vous balancez un petit truc. C'est gratuit, en plus, mais si vous voulez donner un truc, mais explique déjà. Explique dit. Yeah, et ça pourrait faire un super bon groupe. Bon bah ça sera notre second groupe. OK, vas-y. D'accord. Du rap, core, oui, ok, ou du grindcore plutôt, peut-être, ouais, du gram, ouais. Ok, allez, donc oui, alors voilà, donc rap, recontextualise, Black Desert Record, qu'est-ce que t'es, quoi t'es, qu'on voilà, en a déjà parlé pour le Black Friday, donc le Black Desert Records Friday, oui, ils ont fait un jeu de mots, c'est rigolo. Donc c'est une boîte de production, hein, nantaise, je crois qu'on en avait déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Oui, donc ils ont mis en téléchargement gratuit tout leur catalogue. C'est ça. Donc voilà. Donc ils ont quand même un petit panel de groupes assez assez important maintenant. Je les ai pas tous sous le nez, mais il y a El Royce, il y a Missing Mile, il y a Jumpin' Jack. Il y en a pas mal. Hein, Je sais plus. Bah, on les a pas. Ah, bah, on les a pas tous. Attention, bah, je peux citer des groupes de la compile. Je dois l'avoir là. Et donc on pouvait télécharger tout. Voilà. Gratuitement. Voilà. Donc, ce qui est plutôt cool. Donc, il y a donc Missing My Elroy, Jumpin' Jack, Solar District, Karma Zero, Chenzo, Dust Lover, The Guard Dog, Lane Crusher, Baron Crane, voilà. Enfin, d'autres groupes encore. On vous cite pas tous, les gars. Mais... sur Black Disc. Et donc, du coup, oui, on pouvait laisser des ronds en plus si on avait une race ou pas. Voilà. Mais du coup. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas non plus, mais par contre, le truc cool, c'est que du coup, ils deviennent officiellement notre premier sponsor. Tout à fait. Voilà. Merci les gars. Merci les gars. Donc reste à savoir avec vous si par exemple par la suite on peut utiliser les musiques en accompagnement de notre podcast. Tout à fait. Ce qu'on fera. Parce qu'on aime bien les groupes qui sont chez vous. Et ouais, franchement, on l'a déjà dit. J'ai commencé à les écouter. Franchement, j'ai apprécié pour l'instant. C'est vachement bien. Donc nous, on est plutôt contents que vous soyez nos premiers sponsors. Et nous ne manquerons pas de vous remercier à longueur d'épisode. Et puis on fera de la pub pour, qu'on faisait pour déjà. Les groupes qu'on a écoutés. Et qu'on peut aller voir dans le coin. On a et déjà, qu'on ira voir, bien sûr. Et qu'on est prêt d'ailleurs à venir voir si vous avez besoin de chroniques, de photos, d'interviews. Ça peut faire un support en plus. Nous, on vient toujours. C'est un peu comme ça que ça marche, les gars. Vous êtes nos sponsors, on taf pour vous. Exact. Black Desert Records, un record avec des cordes. On va bosser un truc, ça colle pas. Puis arrête de faire des choses comme ça. Je suis désolé. Ouais. Pardon, je m'excuse. Très bien. Merci à nos sponsors. Merci. Voilà. Petite news amusante de la semaine. Mm-hmm. Tu sais laquelle je veux dire ? Pas du tout. Ah d'accord. Pas du tout. Suicide Silence a mis en vente des places pour les fans, pour leur concert, des places à $150. Que une broutille. C'est que dalle aujourd'hui. Qu'est-ce que $150 ? Attends, c'est quasiment une demi-switch. C'est ça. Donc, c'est que dalle. Et oui, parce qu'on pour fait avoir, donc, pour ce prix-là, t'as le droit à un traitement de luxe. Donc, tu passes une rencontre avant le concert, tu fais une dédicace, des photos en leur compagnie. Bien sûr, tu peux voir le concert. Après, tu peux aller... je crois que tu manges avec eux, je crois. Ouais, tu peux regarder les balances. Et surtout après, tu fais rodi pour le groupe. Tu viens monter, démonter la scène. Voilà. Parce que c'est des grosses feignasses, les mecs. Et des putains d'enculés aussi, au passage. Ah ouais, donc, parce qu'il fallait tu payes oser... pour... bosser. J'aime trop mon groupe, je vais démonter la scène. Ouais, non. Alors c'est amusant. Oui, c'est qu'on ira pas. Non, on n'ira pas. Voilà, c'est ça qui est amusant. Non, mais pour le coup, j'irai pour aucun groupe, quoi. Mais je trouve que la blague est amusante, toi. Ouais, complètement. Il y avait un comique qui avait fait ça une fois, il faisait un spectacle donc sur scène où les places étaient à genre 15€ et t'avais une place à 80€ ou genre 78 quelque chose où t'avais comme privilège d'être dans un fauteuil sur scène à côté de lui et on te servait à bouffer et un verre de champagne pendant tout le spectacle. Et en fait, il avait une petite cloche. S'il trouvait genre la chute pas marrante, il pouvait faire trois fois pendant le concert la faire recommencer jusqu'à ce que la chute soit marrante. D'accord, voilà, sympa. Donc, en gros, il disait que c'était évidemment pas pour que des gens viennent se la payer, mais que genre un anniversaire ou voilà. Et donc, du coup, tu peux te permettre d'avoir une bonne soirée amusante. Voilà, ça c'est marrant. Voilà, ça c'est drôle. Ça, voilà. Oui, ça c'est une bonne idée. Mais bon, voilà, donc ça c'était pour la news. Suicide Silence. La news rigolote. Oui, d'ailleurs, comme on n'a pas beaucoup d'actu cette semaine, on peut vous expliquer un petit peu notre nouvelle méthode de travail. Donc avant, on se mettait au point le lundi, pour avoir quand même le mardi un peu de recherche, et le mercredi vraiment d'essayer de taffer des trucs à l'arrache. Là, on a attaqué hier soir, je crois, mardi soir, on se dit ce serait bien qu'on s'y colle un peu, qu'on se sorte les doigts du cul. Et donc, quand même, on prend des news un peu comme elles viennent, en fait. On n'a pas de ligne éditoriale un peu. Non. Ce qui nous intéresse. On a une vie à côté aussi, quoi, du coup, qui nous prend quand même pas mal de temps. C'est ça, donc autant on peut arriver à rebondir sur des trucs sur le Hellfest, mais quand il n'y a rien, là, c'est quand même un petit peu plus dur. Ouais. Et là, les gens nous diront. Mais bien sûr. Les gens nous diront, mais pourquoi, dans ce cas-là, faire une émission ? Non, alors que c'est pas ça la vraie question. C'est le plaisir de se retrouver déjà autour d'une bonne bière. Moi j'allais dire pourquoi ne pas la faire, mais c'est pareil, ouais. Ouais, c'est ça. Non, en fait, moi, voilà comment je vois les choses et on va voir si Bob est d'accord avec moi. C'est, il y en a, ils vont faire du sport une fois par semaine. Bah, nous, c'est notre séance de sport. Tout à fait. C'est notre activité de la semaine. Exactement. Alors, elle est plus compliquée peut-être que d'autres trucs à mettre en place, parce que c'est bon, faire un podcast. Voilà. Et puis, on n'a pas genre quelqu'un qui nous dit step, step, tout ça. Mais move, sinon, move. Voilà. Balance les bras. Exactement. Mais ça, ou faire du body karaté, pour moi, c'est quasiment pareil. Bah, puis bon, c'est assez facile quand même, le body karaté. Ouais. Mais t'as une licence. Oui. Ça, Bah oui, bah, j'en ai fait 5 ans quand même. Oui, ça se voit. Mais et t'as gardé des beaux restes, hein, je trouve, parce que bah, physiquement... Bah écoute. Écoute. Enfin bon, t'es déjà pris. Voilà. Alors. Ouais. Petite news importante dont tu voulais nous faire part au sujet de Amon Amarth. Ah oui. Alors grande nouvelle, on peut dire ça comme ça ou nouvelle. Nouvelle. Ouais. Ouais. Ok. Ah non, ça dépend. Est-ce que la nouvelle est grande ou c'est le résultat qui est normal, tu vois ce que je veux dire. La nouvelle est grande. Hein, c'est rare. C'est énorme, je veux dire. C'est. C'est précurseur, j'ai envie de te dire. Ah, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu ce genre de truc? Si, mais si. Alors. Ah, bah si, peut-être complètement. Pas, mais si, nous aussi. Si, si. Attends, je vais vérifier, mais il y en a carrément un. Si bah. Vas-y, parle-en. Donc, oui, bah en fait, c'est toi vraiment qui l'a. Chut, chut, chut. Voilà. Rentre pas dans les détails. Ne dis rien, ne dis rien. Mais oui. Donc, bah, c'est tout simplement le jeu. Hein. Ah, ben bah, voilà. Voilà. Et ça, ah, mais c'est nouveau, non? Non. Non, c'est pas nouveau. Ça fait un moment. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Le jeu Amon Amarth téléchargeable sur. Oh putain, mais tu l'as tellement mal vendu! Ah, mais. Bah, tu trouves que c'est. Ça vaut le. Non, mais tu sais, faut faire un petit peu. Tu fais monter un peu le truc pour après redescendre. Que là, tu te dis. Moi, j'ai même plus envie d'en parler. Ah bah, non. N'en parlons pas! Non, voilà. Amon Amarth a sorti son premier jeu mobile. Ah oui, ça fait tellement plus rêver comme ça, c'est formidable. Alors, j'ai pas dit que ça allait faire rêver. Ouais, c'est parce que j'ai cassé le truc devant. Non, c'est ça. Non. Ah, je suis désolé. Bah, disons, à l'instar de. Coupé. Ok, on recommence. Tac, ok. Dis-moi, Bob. Oui. T'aurais pas une news sur. Merde, c'est quoi comme contenu hein? Iron Maiden. Ouais, Iron Maiden a sorti un jeu mobile, Iron Maiden Legacy, où le point le plus intéressant dans le jeu est de savoir qu'il y a le personnage phare Eddie, qui est représenté d'énormément de façons différentes. Mm. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je n'ai jamais pu tester le jeu. Je ne sais pas si toi, de ton côté. Pas du tout. Je ne savais même pas que... Mais... Voilà. Mais du coup, c'est pas mal, ce principe-là. Mais ce n'était pas ça, la news. La news, c'était le jeu mobile Amon Amarth. Qu'est-ce que c'était comme jeu? C'est un grand jeu. Non. Un jeu d'aventure. Ouais. Avec des haches et des vikings. Ouais. Où il y a de l'amour. C'est complètement ça. Se mêlant au sang. Et aux larmes. Non, là, tu parles de la série Viking. Ah oui, pardon. Oh. Ah non, je confondais. D'accord, oui. Autant pour moi. Mais c'est pas grave, ça arrive, hein, écoute. Moi, déjà, une fois, j'ai confondu un truc. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Non ? Tu vas vomir ? Tu vas recracher ta bière. Ah ! Elle est bien passée. Ouais. Ah bah, c'est ça, elle est forte. Hein. Bah, c'est ça. Elixir. Du coup, alors... Bon, bah j'en parle un peu alors. Mais parle-en, parce c'est que vu que. C'est un petit jeu d'action plateforme. Il faut pas mettre petit devant quelque chose. C'est réducteur. C'est vrai. Oui, je pensais le dire. C'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme action. C'est un jeu de plateforme action où on dirige un petit viking dans les niveaux. Un viking. Non, mais le sprite est petit pour le coup. Oui, c'est vrai que c'est un petit viking. Ça, je veux dire, le. Voilà. Ouais. Si on fait un c'est ratio. Le Mugsy Bugs du viking. En termes de pixels, il n'est pas très gros. C'est vrai. Et donc, du coup, on le dérange. On le dirige dans différents niveaux. Mais en fait. Ça, on ne sait pas. Bah, mais c'est vrai ce que tu dis. Pire news de toute l'histoire de podcast. Attends, je suis sûr qu'on peut faire pire. Ah non, attends, oui. Parce que, attends, je vais te trouver un truc la semaine prochaine. Je suis sûr qu'on peut trouver un truc. Bon, bref, c'est un jeu mobile qui est, comme maintenant la plupart des jeux, gratuit, mais payant à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on fait le premier niveau et après on te demande de raquer 10 euros boules, pour tout débloquer derrière. Et franchement, l'expérience. Le deuxième niveau, le troisième niveau et à 20 boules, forcément, hein, ça augmente. Franchement, on a essayé un peu tous les deux. C'est atroce. C'est pas bien. C'est atroce. Alors, autant on pourrait dire ils ont tenté quelque chose sur le gameplay, la manière de diriger, mais enfin, je sais pas, c'est pas terrible. Après, les musiques ont l'air d'être un peu des musiques d'Amon Amarth en 8 bits, mais ouais. je suis pas assez connaisseur du groupe. Un peu à la façon de Alstorm. Oui, un peu ouais, avec les. Oui, c'est ça, tout à fait. Au début de Mexico. Donc, du coup, non, c'est pas ouf dingo. Et j'ai même pas apprécié l'expérience sur un niveau. Ça m'a plus saoulé qu'autre chose. Mais parce que c'est toujours intéressant de proposer de nouvelles choses, on salue l'initiative. Tout à fait. Et, salut l'initiative. Et. Initiative. Tu nous manques. Et bien sûr, on n'est pas contre un code gratuit pour tester le jeu en entier et faire un vrai retour. Voilà. Parce que peut-être que derrière, il y a d'autres trucs intéressants. Juste là, sur le premier niveau, il n'y a rien. Tu sais quoi, tu tags Amon Amarth et puis. Il doit bien y avoir un mec français, Amon Amarth, qui bosse chez eux à l'international. Certainement. Sauf si c'est Live Nation et là, on est mort. Là, on est mort. Ouais. Voilà pour cette news. Très, très bien. D'ailleurs, j'ai été suivi là. Plusieurs fois dans la semaine par des mecs un peu bizarres. Dans la rue ? Ouais, je me demande merde. Si. Ouais. Ça pue. Hein. Ah, tu crois que. Je serais peut-être pas là la semaine prochaine. Alors, si t'es pas là, je peux quand même venir faire le podcast. Oui, oui, oui, bien sûr. Oh, putain, j'avais les boules. Bah oui. Non, mais c'est moi. Il n'y a pas de soucis. Ah bon, c'est cool, merci. Autre news, bah, pour le coup, Live Nation qui est tombé. Queen of the Stone Age est confirmée au Main Square à Arras le vendredi. Vendredi, jour du rock. Exact. Donc, bah, j'irai peut-être pas faire les 400 bornes. Non, c'est bon. Pour aller voir Queen of the Stone Age. J'ai tenté de réécouter l'album. Ça s'est mieux passé, mais j'ai pas été au bout. Ouais. Ouais. Non, parce que étonnamment, fin de semaine et début de semaine, je cherchais plein de trucs à écouter. Je me retapais les trucs en boucle et je me suis dit, ah, bah, je l'ai pas assez écouté. Il faut que j'essaye vraiment de bien. Et puis non, ça non. C'est vrai, non, pas... Bah après, il y a une question de moment, j'ai l'impression, tu sais, pour certains styles musicaux... Ouais, je sais pas, mais moi j'ai lâché Queen of the Stone Age depuis... Poulala. Ouais, on l'a déjà dit, ouais. Bah, il paraît que le dernier album est mieux que l'avant-dernier. Ah. Ah, il y a certains morceaux sur l'avant-dernier que je trouvais pas mal, genre un quart d'un morceau. Ouais. Sinon voilà, je me suis arrêté vraiment. Mais je crois que je l'ai pas écouté l'an dernier. Je vais pour la semaine prochaine, j'aurai écouté les deux. Voilà. Je sais pas, je trouve qu'ils se sont lancés dans un truc à thème un peu. Ah, tu crois ? Trop. Ouais, non, bah si tu regardes les clips en fait, ça bah, suit c'est... quasiment. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ah, c'est dans le même dans le même truc quoi, c'est voilà. Mais je vraiment... Non mais pour la semaine prochaine, c'est un engagement. De manière, il n'y aura pas de news du fest, donc bon. Voilà. J'aurais écouté ça. Ah si, attends, j'ai vu ça tout à l'heure aussi. Non. Pour ceux qui n'ont rien à faire, là, tout de suite, maintenant. Ah. Bon, on est mercredi, hein. Vous l'écouterez certainement dans deux jours. Ah bah, d'accord. Mais ce soir, il y avait Nick Olivieri qui jouait... en Angleterre, donc pas loin. Je ne sais plus trop. Mais j'ai vu ça tout à l'heure, vite fait. Très bien. Voilà. Et bah, donc ceux qui n'ont rien à faire ce soir... Bah, il faut aujourd'hui mercredi, voilà. Dans le même ordre d'idée, on tenait aussi à faire un, pas un coup de gueule, mais un petit c'est le moment déception. Pas mal. Ouais, je sais. En ce moment même, à l'Élysée Montmartre, des gens passent un bon moment. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pas nous. Donc 10 minutes de silence, s'il vous plaît. Ouais. Oui, parce que ce soir à l'Élysée Montmartre, il y avait le concert de Mastodon et voilà, Red Fang. Et on n'y est pas. Et Russian Circle. Oui. Que je t'ai fait découvrir tout à l'heure et t'as fait putain, mais c'est vachement sympathique. Non, j'ai pas dit ça vraiment comme non, ça. Non, t'as pas j'ai dit c'est vachement sympathique, putain. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est parce que je dis pas les gros mots quand c'est dans la bouche des autres. C'est bizarre. Ouais, non. Non, non bon, je... les trucs dans la bouche des autres, moi ça me. Ça, non. Bah bref, en tout cas, c'était une putain d'affiche. Et bah ouais, en fait, ouais. J'ai pas capté que ça passait, je suis un peu dégoûté en vrai je... bah nous, on sachons que ça passait, mais bah... Ça devait pas être très cher en plus, hein. Ouais. Je crois que c'était pas cher du tout. Bah ouais, je crois que c'était 28 ou 35, je ne sais plus, mais ouais, enfin, c'est tout à fait honorable. Pour, Ouais, voilà, donc j'espère que les gens qui sont là-bas... se font grave chier et qu'ils ont les bons. Ouais, bien ouais, fait, tiens. Fallait pas y aller, tiens, fallait écouter. Oh, tiens, je veux dire, fallait écouter notre émission. On m'a parlé d'un truc et je voudrais ton avis parce que j'ai pas. Oula, alors j'aime pas trop quand ça commence comme ça, moi ça me fait peur. Vas-y. D'accord. Vas-y, balance, je suis prêt. T'es prêt ? Non, attends. Vas-y. Ah, que je voyais bien que tu avais besoin de... Ah ouais, non, mais fallait que je lâche un petit rototo. C'est bien, c'est bon. J'ai fait écouter le podcast à un ami à moi, et il m'a dit, c'est dommage, pourquoi vous n'êtes pas sur YouTube ? Et je lui ai dit, bah, c'est... Je lui ai dit, je pourrais effectivement le mettre sur YouTube avec une image en fond, et ça serait, voilà. Mais... Il dit, non, mais pourquoi vous ne filmez pas ? Je lui ai dit, parce qu'il n'y a rien à voir. Tout simplement. Je lui ai dit, parce que ça serait chiant de nous filmer, parce que j'enregistre l'audio, la vidéo, je fais un montage, et qu'il n'y a rien à voir. Il y a une table avec... on ne peut pas les compter. Non, mais beaucoup trop de bière, mais... Vide. Ah oui, on ne va pas gâcher. Non. Enfin, voilà. Donc, je sais pas ce que tu crois que ça apporterait un truc en plus de faire... YouTube, non. Aucun intérêt. Et imagine de faire un live. Un live, carrément ? Ouais, salut public ! Non. Je préfère faire un en direct. Ouais, salut public. Bah, du coup, oui. Ouais, ça va les internets ? Ouais, les internets, c'est cool. Kiff. Ouais, donc, moi, j'étais pas branché du tout. Enfin, je trouvais que c'est... Nous, on est vraiment, vraiment dans... Enfin, je trouve qu'on est dans... On est vraiment, vraiment... Je l'ai dit deux fois pour que ça soit vraiment important. Ouais, même 3, 4, 5 fois. On est plus, je trouve, dans le côté presque radio pirate, en fait. Ouais. Le côté vraiment... Ouais, parce que personne sait où on est. Et personne qui sait qui on est. Déjà. Et enfin, si, les gens savent qui on est. Certains. Ouais. On devrait les tuer, bon, ça, c'est... Ouais, mais ça, c'est... Et puis, on est vraiment dans le côté enregistrement à l'arrache. Totalement. Donc... Si vous voyez le studio... Et par contre, il faudrait qu'on marque studio devant. Ouais. Tu sais, genre, on air. Ouais, non, mais tu mets. Ouais, d'un côté, tu mets un carton studio et de l'autre côté, un carton on air. On pourrait faire ça sans déconner. Ah, mais carrément. Il faut faire ça. Ah, bah, je vais faire ça. Ah, ouais. Ah, je dois en faire des trucs dans cette pièce. Ouais, c'est ça qui est bien. Mais t'as pas l'air d'être pressé. Non, mais c'est parce qu'en fait. Land. Là, ouais, excellent film d'ailleurs. Ah, tu t'es pas sérieux. Tu l'as vu? Et t'en as pensé quoi? C'est vraiment un excellent film. Si par exemple tu mets de côté le fait que c'est une comédie musicale et que ça peut te faire vomir, mais en dehors de ça, c'est... Non, mais je dis rien, moi. Non, j'ai adoré Rocky Horror Picture Show. Oui, mais pour le coup, c'est pas le même genre, il y a pas trop de rock. Mais je te montrerai la scène du début, juste la première scène. Alors musicalement, t'en tiendras pas compte, tu seras... Je me boucherai les oreilles. Ouais, non, parce que c'est, voilà, c'est pas du tout pour nous. En termes de réa et de film, c'est à tomber par terre. Vraiment. Ouais. Ah non, c'est... Donc ils ont mérité leurs Oscars. Ouais, oh, oui, non, c'est un très bon film. Leur Molière. Leur scène d'or. Leur scène d'or. Bon, allez, arrête de faire le con et raconte-nous une histoire de dinosaure. Ah non, mais ça, allez. On trouvera ça plus tard. Ah, c'est ça, ouais, d'accord, ouais, ok. Là, je suis en train de repenser à ce que tu m'as dit. Ah bah oui, ça, faut qu'on en parle de ça. Oui, on va en parler. Pas là. On va voir un petit Tekken. Oui, je vais être Tekken. Alors, reprenons le fil de l'émission. Phil Anselmo and the Hilligals vont bientôt sortir un second album. Tout à fait, Thierry. Donc, j'avais lancé comme idée à Bob, pourquoi ne pas faire un petit récap de tous les groupes de Phil Anselmo ? Mais le problème, c'est que demain, je me lève tôt. C'est ça. Et que là, on serait obligé de s'appeler Road to Phil Anselmo. C'est ça, ouais. Donc, on n'a pas assez d'une émission, je pense. C'est ça. Et donc, en plus, on n'est pas super calé sur le bonhomme. Bah, on a les grandes lignes. Mis à part Pantera. Voilà. Du coup, je pense qu'on... Bien sûr. On en reparlera avec... je demanderai à Richard s'il est intéressé pour en venir en parler, mais qu'il avait l'air de dire qu'il aimait bien le personnage. Et au pire, moi, je pense que ça peut être toujours intéressant quand même de noter, d'essayer au moins de trouver tous les groupes qu'il a. Et même c'est clair. Ça peut être juste... Et de les écouter, pour voir la différence. Voilà, oui. Parce que tout à l'heure, justement, je t'ai fait écouter vite fait Phil Anselmo and the Hilligals, le nouveau single. Et toi, tu m'as justement souligné d'une manière virulente, en plus. Hein. Ah, mais je suis comme ça. Bah, oui, mais il faut que les choses... soient dites. Ah, zut alors! Flûte! Et donc, c'est quoi qui t'a virulé? Je ne sais plus, moi. Mais si, que c'était pareil que d'autres trucs. Ah oui, que le fameux groupe dont apparemment je n'ai pas la gueule à écouter ça. Non, c'est ça que tu m'as dit? Non, comment tu m'as dit? Si, c'est ça, oui. Ouais, t'as pas une tête à... Non, c'est pas la tête, non, mais c'est parce que. Non... Ah, excuse-moi. Ah bah dis-moi, je m'en rappelle plus, je suis en train de chercher. Ouais. Non, mais de tout ce que tu m'as fait écouter, que t'écoutes, ça, c'est un petit peu le plus surprenant, je dirais. Oui, non. Donc oui, ça m'a fait penser à Soylent Green, voilà, d'accord. Tout simplement. Et on peut dire, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup, parce que même toi, tu t'es fait avoir. Mais oui, je me suis fait avoir après en zappant sur l'autre chanson, j'ai merde, c'est le même. Et en fait, non, c'était Phil Anselmo. Et ce qui est marrant, c'est que Soylent Green est donc dans la même maison de disques de, dans la maison de disques de, voilà. De Phil Anselmo, lui tout et ses fait. 14 groupes. Et les, ses groupes de potes aussi. Hein. Oui. Donc, Crowbar, I Had God. Qui d'ailleurs, c'est avec eux qu'il a fait Super Joint Ritual, il me semble. Enfin, Super Joint maintenant. Mm. C'est dingue. Ah, c'est plus Ritual. Non, ils ont retiré le... Ah, mais d'accord. Ouais, je l'ai dit la semaine dernière, je crois. Ouais, mais je devais pas être là. Ah oui, c'est vrai, c'était là où t'étais pas là. Je devais pas t'y pisser, je crois. Ou t'avais une pneumonie. Ah, peut-être. Ouais, ça va mieux. Ah, bah tant ouais, mieux. Ouais, ouais. Parce que ça, si on soigne pas cette vieille quinte de tout... C'est vrai, c'est pas faux. Voilà, en tout cas, voilà, la news va plaire à ceux qui aiment bien Phil Anselmo. Moi, ça me fait toujours rire de le voir popper tous les deux mois avec un nouveau groupe ou un nouveau truc. On est encore sur le P de secours de... de cette année, il y a, bah de, même il y a deux mois je crois. Et, ouais. Et là il annonce déjà un nouveau truc, ce mec est un hyperactif je pense. C'est fort possible. Voilà, voilà. Très très bien. Voilà, voilà. Bah écoute, bonne soirée. Merci. donc on a regardé tous les deux le docu de monsieur Nota Bene dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc Nota Bene, youtubeur, historien, vulgarisateur. Passé maître dans l'art de nous faire rêver en nous racontant l'histoire et accessoirement gros gros fan de métal. Donc il a sorti un documentaire avec le Hellfest, enfin via le Hellfest plutôt, sur le métal et l'histoire. Et l'histoire. Donc je te laisse. Justement. Oui, bah je te laisse nous en parler parce que tu l'as mieux vu que moi. Bah non. Je sais, mais c'est pas grave. Oui, alors donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, le sujet en lui-même. Et de quoi est-il que ça parle ? Ça parle de métal. Ça, ouais, d'accord. Et ça parle d'histoire. En fait, ça parle plus de comment se servent les métalleux pour, on va dire, pas écrire, mais... comme source plus d'inspiration. En fait, ouais, comme source d'inspiration pour créer un groupe, en fait, pour créer une atmosphère dans un groupe et vraiment réussir à rester là-dedans, comme groupe de Pagan, groupe de Sabaton. C'est ça, c'est festif. Joe. Si tu nous regardes, les chars, tout il ça, peut, c'est Il peut c'est pas nous regarder, ouais. Parce qu'on n'est pas sur YouTube. Ah, mais on va, je veux dire, on va changer. Ah oui. On va agrandir tout ça, mec. On va péter les murs, on va faire un truc génial. On va mettre on va une inviter véranda. Des filles, on va mettre ça va être super. On va mettre une véranda avec des chiasses devant, comme ça. En parlant de filles, tu me feras penser que je te rappelle un truc sur une de mes colocataires qui m'a dit. Ah, d'accord. Pour le côté fille amusant, tu vois. Je veux dire. Okay, d'accord. Ouais, et donc c'est vrai que le documentaire était intéressant car ils ont interviewé donc Alstorm, sympa, ouais. Tyr, Wardruna, ouais, Corvus Corax. C'est comment c'est quoi c'est Tyrosa, Tyrosa Turiza. Turiza. Turizas. Turizas, Mastodon. Et pour Mastodon. Sabaton. Excusez-moi. Sabaton, ouais. Excusez-moi, je... étonnamment, que des groupes présents à cette année au Hellfest. Ouais, c'est bizarre. Oui, parce que le docu a été tourné là-bas cette année. Ouais. Et c'est vrai que c'était intéressant justement de revenir sur l'influence que l'histoire pouvait avoir pour les groupes et leur manière à eux après d'aller piocher dedans pour, et de voir ce que ça créait comme influence. Parce que moi, le passage que j'ai préféré, c'est en fait quand ils demandent au groupe, c'est ils pensaient que le métal ou la musique pouvait être une source d'information historienne pour les gens, et ils ont tous dit non. Par contre, c'est possible que ça leur donne envie de s'y intéresser. De s'y intéresser, ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec une des chansons d'Alestorm, la bataille de 1944 ou 41, ouais, je sais ouais. plus quoi. Là. Et c'était hyper intéressant de voir ça parce que les gens, en fait, curieusement, allaient se renseigner sur les, ouais. sur tout ça. Et par contre, j'ai bien aimé aussi beaucoup le rapport qu'avait justement que ça soit que je dis pas de conneries. Ça. Corvus Corax et Valdruna, je crois, sur le fait de faire de la musique avec d'anciens instruments. Des instruments, ouais. Pour perpétuer une certaine tradition. Ouais. Et j'ai trouvé ça... Même Corvus Corax, le mec à la cornemuse. Oui, oui. Enfin, un des gars, parce qu'il y a trois cornemuses. Ouais. Un des gars l'a fabriqué lui-même, carrément, sa cornemuse. Il en a fabriqué plusieurs, même. Ouais. C'est super intéressant. Mais vraiment, ces mecs-là sont des bêtes. Ah ouais, du coup, c'est vrai que ça redonne en plus une autre image des groupes qui peut être justement, c'est bien pensé. Parce que moi, je savais que Sabaton allait tout le temps piocher leur inspiration dans les différentes guerres et tout ça. Et que, bah... c'est ce qu'ils expliquaient justement, c'est qu'ils s'inspiraient plus des guerres récentes parce que les informations sont plus justes. Sont plus justes et il y a vérifiées. Vérifiées. Ouais. Alors qu'on n'a pas les, les vraies traces écrites de toutes les anciennes batailles, que sont des trucs retranscrits et dont on n'a plus le vrai. Ce que disait justement. Tyr, je crois. Il y a Tyr et si je ne me trompe pas, c'est peut-être Ward Runa. Qui disait que justement les Vikings, c'est les chrétiens qui ont réécrit toutes les, les histoires, donc du coup ils ont un petit peu aussi adapté à leur sauce à eux, quoi. Donc certainement un peu décrédibilisé tout le, tout le côté folklore viking et tout ça. Ouais, oui, parce que lui, du coup, quand tu l'écoutes, t'as limite un mec bio qui vit dans la forêt et qui est nature, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. D'ailleurs, c'était aussi très intéressant le petit passage où vous expliquez que. Bah, Ward Runa a fait la musique pour Viking, la série, et qu'en fait, ils n'étaient pas du tout en accord avec ce que racontait la série. Avec ce que racontait la série, ouais. Et ouais, c'était je trouvais ça assez intéressant. Ouais, donc du coup, c'est vrai que c'est un petit documentaire de 26 minutes, je crois. 26 minutes, ouais, 92 000. Oh, pardon, je me perds, je suis désolé, il fallait que je dise une connerie. trop sérieux. mais du coup, non, c'est un vraiment beau boulot, parce que c'est un angle hyper intéressant pour traiter du métal. Ouais. Et voilà, c'était. Moi, je me souviens l'avoir vu justement en zone VIP et bah, j'avais pas été lui parler pour lui dire c'est cool ce que tu fais parce que j'avais l'impression qu'il était en train de bosser. Ouais. Même s'il parlait pas, mais j'avais l'impression en fait, qu'il attendait des groupes ou des trucs entre deux. Et bah voilà, franchement. C'est parce que tu es timide. Ouais, c'est la vraie raison, mais. en fait, j'ai toujours l'impression que je fais chier. C'est même quand je viens ici, je dis ça va ? Bah oui, c'était prévu. Ouais, mais j'ai l'impression de gêner quand même. donc, bref, c'était un super documentaire et. Bah, je conseille à tout le monde d'aller le voir et puis on va le partager sur la page. Tout à fait. C'est important de toujours avoir une ouverture d'esprit, d'apprendre plus de choses quand, sur quelque chose qu'on aime. Et, et c'était un très très très bon angle. Et si je ne me trompe pas, normalement, Philippe Etchebest aussi, qui est un fan de métal, l'année prochaine fera la cuisine et le métal. Non. Non. Oh putain, bien joué, c'était un putain de troll. Ah ouais, j'ai... Dans ma tête, je me suis dit, oh putain, la bonne idée. Bon, mais qu'est-ce qu'il va raconter ? Ah, mais je m'en foutais, quoi. Là, t'imagines Sabaton en train de. Non, mais en vrai, si tu veux, pour revenir au fait quand je dis que c'était un bon angle, c'est que quand je lisais l'histoire et le métal, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je m'attendais pas à ce traitement-là. T'attendais à quoi ? Bah, plus à le métal à travers l'histoire, bêtement. Ah oui, comme ils ont pu faire dans tous les reportages. Voilà, mais un peu comme dans tous les trucs classiques, justement. Ouais. Et là, je trouvais que justement, c'était vachement. C'était malin. Si je me trompe pas, au début, ça parle pas un peu. Non, ça parle pas de politique, non, au début. Non, je crois pas. Non, Immigrant Song de Led Zeppelin. Oui, voilà, non, oui. Oui, bah c'est pour. Mais oui, mais parce que ça parle de. Bah de justement de l'histoire, quand même. C'est des moments de l'histoire, ça. C'est des moments Faudrait que je le revoie pour. Non, ça c'est juste les que ça a toujours dans la musique et dans le rock, il y a toujours eu des trucs en référence à l'histoire. Oui, bien sûr. Donc de grands moments qu'il y a pu avoir et que d'autres groupes, il y avait pas que ces groupes-là qui en faisaient partie, mais c'était les groupes qui étaient là présents cette année. Et c'était malin aussi d'avoir pris des groupes aussi diversifiés dans le style et dans parce que comme lui-même il le dit dans le documentaire à un moment donné avec Alice Storm, il aurait jamais cru que ça pouvait être un groupe avec un fond intéressant un peu, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il mettait la chanson Drink, je voilà, sais pas. C'est ça. Mais donc voilà, c'était très intéressant. C'était très agréable à regarder. Disons que c'est court. Et en même temps, long et court, tu vois. Donc Il y a ce qu'il faut dedans. Il y a ce qu'il faut dedans, ouais. Franchement, c'est très bien. Et moi, qui suis quand même une brêle en histoire, ça me donne vraiment envie d'aller beaucoup plus approfondir sa chaîne. Ah ben voilà, bravo. Ah oui, non. Ah d'accord, donc je fais en souci de transparence. Je me demande s'il fait pas partie de la Vination. Non. non, mais par contre, c'est vrai que c'est un mec qui est un vrai fan de métal, qui a toujours été, et que il fait même des fois des playlists métal sur un truc. Ça. Enfin voilà, donc c'est un mec. Bah, ça fait toujours plaisir. Oui, voilà. Bref, du très bon boulot, et si jamais tu veux venir en Normandie pour en discuter autour d'une bière, ouais, tu es le bienvenu. Et puis, on se délectera de ton savoir. Ah ouais, là, on parlera pas beaucoup. On fera 2-3 blagues de temps en temps pour que ça. Ben voilà. Parce que bon, faut c'est la caution. Voilà. Et puis, on est des gros bouts en train. Hein, quand même. On aime la galéjade, oh là là, les petites boutades et tout c'est ça. Vrai, c'est vrai. Hein. Et des fois même, on ne crache pas sur un ou deux jeux de mots. Ah, des petits calembours. C'est vrai. Ah, alors là, on est friand. On est friand. Non. J'y ai pensé. Non, on ne le fait pas. Donc. Très bien, enchaînons. Est-ce que tu veux parler... Tu as vu un clip, tu m'as dit, cette semaine? Oui, alors... Oh là, attends. Ah, tu fais du bruit. Ouais. Je fais du bruit? Bah, t'as fait un... Carrément. Ah ouais, moi j'ai entendu. Pyongyang, carrément. Quoi. Fin du monde, mec. Ok. Ouais, cool. Donc, je me le suis partagé à moi-même. C'est sympathique. Je me partage des choses parce que j'ai tellement d'amis. Oh, allez, active. Ok. Non, je vais pas mettre ça quand même. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, alors... Discharge. Voilà, dernier clip de Discharge. Discharge. The Broken Law. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et voilà, petite galéjade. Ah, tu l'as pas réuni, hein. Ah, carrément pas. Là, je t'ai manipulé, là. Totalement, quoi. Une marionnette, quoi. Alors, vas-y, donc, excuse-moi, je zappe ta news. Voilà, donc The Broken Law, nouveau clip de Discharge. Pour un futur album? Oui, tout à fait. Prévu pour quand? Alors là, je ne peux pas te donner le... parce que ça n'a pas été communiqué. Alors peut-être que... Non, toujours pas. D'accord, très bien. Et donc ce clip alors, bien? Violent. Oh, ah, violent. De la bagarre. C'est un groupe de punk hardcore, hein, donc ça rigole pas. Hein. Non. Bah, de la bagarre, c'est surtout plus sur ces Nuclear Blast hein, qui produit. Tu connais pas? Moi aussi. Non, mais je sais bien. Oui, non, mais c'était pour continuer la blagounette. Parce que nous sommes des galégeurs. Sympathiques. Galégeurs, et ouais, non, violent, ouais, non, c'est, ouais. Ouais, ça rigole pas. Hein. Et c'est... sur la police américaine. Aïe, ça balance sévère. C'est, ouais, ça balance sévère. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un ou deux fuck Trump dans le. Je ne crois pas. Ah. Non. Tiens donc. Et donc, tu as bien aimé? Oui, tu aimes bien Discharge. J'aime bien le punk hardcore. C'est vrai, c'est vrai. Ça ressemble plus. Ça envoie du bois, donc. Ça ressemble plus à ce que t'écoutes. Oh, ça va, ouais. Oh, parce que quoi, Soylent Green, ça y est, tout de suite. Mais non, mais t'avais l'air de bien aimer. Le mec, c'est quelqu'un qui l'a changé. Mais Corvus Corax, c'est pareil. J'aime... Ah. Oui, mais c'est pas. Non, mais non, c'est pas violent. Ah, voilà, tu vois. Très, très bien. Donc, voilà. Tout à fait. Eh bien, très bien. Passons. Alors, on se fait quoi maintenant? Allez le voir, c'est. Oui, bah, moi j'irai jeter un coup d'œil. Ça envoie. Bah, faudra le partager. On va le partager. Oh. En combien? On est 8. Bah, disons qu'on prend 2 parts de 4. Chacun. Ouais. Ouais, bah, c'est bon. Ouais, ça va le faire. Ok. J'ai pas trop. Alors, le site Loudwire, des amis à nous. Tout à fait. Même, bah, bien sûr. Des collègues. Ouais. Ouais. Oui. Encore. Non. Non. Non. Ça aurait été cool, j'aurais encore eu une... Ouais, j'étais encore au téléphone avec... Oui, voilà. Michel. T'es non. Sûr? Oh, Michael? Ouais, Michael, ouais. Ah. Ouais. Non, pas non. Non? Non. Attends, j'ai trouvé, vas-y. Trouvé un nom. Ouais. Attends, donc, le site Loudwire a sorti une liste des 25 meilleurs albums de cette année. Dans la catégorie métal, bien entendu. Non, parce que sinon ça n'a pas trop de sens. Non, je suis en train de. Je suis vraiment en train de s'échanger juste un putain de prénom à la con. Ouais, tu chopes un prénom, vas-y. Ouais, bah attends, mais je. Étienne, allez hop. Eh. Hey, Eh ben non, on est con. Bah non, mais c'est con, j'allais faire. J'allais refaire et. Ça n'a... Mais, je me fatigue dans mes propres blagues. Bref, ils ont sorti une liste des 25 meilleurs albums. Oui, des 25 meilleurs albums de 2017 avec un panel plutôt assez exhaustif hein, Tout à fait. Donc alors j'ai commencé à écouter quelques groupes, donc on va vite fait faire le petit tour des groupes, mais j'ai pas encore tout écouté. Je vais essayer de tous les écouter, en tout cas les albums qui sont concernés, parce que comme il y en a beaucoup que je ne connais pas, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à trouver, surtout que le 25e est en Goar avec The Blood of God, donc c'est du trash metal satirique. Donc c'est les mecs qui se déguisent un peu à la manière de l'ordi, voilà, mais pas du tout le même genre de musique. On a écouté une chanson tout à l'heure et t'as vu que c'était quand même c'est très très sympa. Ça passe complètement bien, et je dirais même à la limite que leurs déguisements peuvent enfin, m'avait plutôt repoussé au début, et en fait, alors que musicalement, je trouve ça vraiment très très sympa. En 24e, il y a le dernier album de Cradle of Filth, que j'ai déjà dit qui était pas mal. Je tiens à rappeler aux auditeurs. En 23e, il y a Municipal Wester, du crossover thrash metal. Ce que j'ai écouté était très sympa aussi. Ouais, très bien. En 22e, Satyricon, donc là du black metal norvégien. Je précise norvégien parce que c'est pas tout à fait pareil. Tu vois, Cradle of Filth, c'est du black metal britannique. Ouais. Et tu vois tout de suite la différence. Ouais. Satyricon, alors c'est moins mon délire parce que c'est vraiment du vrai black metal norvégien. Mais ce que je me suis pas dit, tiens, c'est horrible. C'était pas horrible, quoi. En 21e, Obituary, grand groupe de death metal américain. Ouais. J'ai pas écouté. En 20e, With Her Arms to the Sun. C'est du post-metal. Ouais, alors j'ai dû regarder le post-metal. C'est une fusion entre le post-rock, le metal et le shoegazing. Le shoegazing. Le fameux. Ce que c'est, le shoegazing. Le shoegazing, c'est le metal où tu regardes tes chaussures. Ah, moi, c'est ce que j'ai retenu. Hein. T'as du mal à boire ce soir. T'as des problèmes avec l'alcool, tu vas en parler. J'ai toujours eu des problèmes avec l'alcool. Non, tu n'as pas. Le problème, c'est que c'est trop bon. Ah, c'est ça. Ah, bah vas-y, donne-moi ta définition du shoegaze. Oui, oui, non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Merci. Moi, c'est plutôt tu ranges tes chaussures dans une petite boîte en bois. Ah bon ? Le shoegaze. Ah non, c'est pas case, c'est gaze. Ah, gaze ! Voilà, shoegaze. Ah oui, oui. Ah, mais d'accord. Ah oui, non, mais complètement en plus. Hein. C'est Frankie Goes to Hollywood, tout ça, non ? Non, gaze, pas goes. Oui, gaze. Eh ben. Faut ouais, passer. Frankie Goes to Hollywood. Oui, goes, pas gaze to Hollywood. Oui, c'est ça, Frankie Goes to Hollywood. Non, ça te parle pas ? Wake me up before go go go ? Non, ça c'est. C'est Wham, ça. Frankie Goes to Hollywood, c'est Relax. Oui, Don't You Wear. Et voilà. Et ben, à l'époque, c'était. Le groupe vraiment. Shoegaze. On se perd. Oui, mais c'est pour ça que je vois pas où tu remettons les choses. Vas-y. Bon, on laisse tomber cette histoire. On s'en fout. Ok, très bien. Totalement, c'est nul à chier. Mais par contre, je veux savoir où tu voulais aller. Après, ouais, mais je te dirai devant une partie de Tekken. Après, nous avons Godmother, qui est du Violent Groove, qui vient de Suède. Du Violent Groove. Oui. Avec des violons ? Non. Du Violent. Ah, du Violent. Ouais, j'ai un groupe de métal. C'est du violon groove. Ça groove. Ça groove. En 18e, Cavalera Conspiracy, que j'ai appelé de la fratrie métal. Ouais. Ça marche. Ouais, ça marche. D'ailleurs, qui est classé en heavy metal. Ouais. Mais et donc, pour le coup, encore une fois, bon album. Ouais. Je l'ai réécouté. Oh, putain, faut que je l'écoute. 17e, Replacir ou Replacire. C'est du death metal. En 16e, King Woman. C'est du doom metal shoegaze. Il y a quand même pas mal de metal. Ouais, c'est un peu trop orienté. En 15e, Trivium. Moi, j'ai marqué God Metal, mais je sais pas si c'est la bonne définition. Pardon, je crache. Non, mais tu sais qu'ils sont classés heavy metal. Bah, c'est ça. Bah, je trouve pas. C'est du heavy metal. Tu trouves ? Ah bah ouais, moi j'ai vu du speed metal, du heavy metal, du... Du violon métal, du violon groove. Très bien. En 14e, Paradise Lost, le mec qui va même plus l'écouter. Ok, continue ton truc. Moi, t'imagines l'émission où il y a un invité, mais. Ah, très bien. Ouais, désolé. Bon, en 14e, Paradise Lost, qui est du death, doom et du metal gothique. Alors, moi, j'avais écouté un album de Paradise Lost il y a 15 ans. Tu t'es perdu. Je m'étais perdu. Non, c'était à cause d'un sampler qu'il y avait dans un magazine. Il y avait une chanson qui était bien. Et puis, à l'époque, j'ai acheté... Non, il y a 15 ans. Non, bah oui. Ça colle. Ça colle, je suis d'accord. La fin de Roxanne. Tu m'as expliqué que tu as retrouvé un disque de Roxanne récemment. Ah la vache, attends, ouais, j'ai retrouvé ça avec Foo Fighters quand ils ont sorti leur deuxième album. Oui, il n'y avait pas que ça dessus. Il y avait Boyatrib, il y avait le groupe français, là, Massisteria. Plémo. Ah oui, il y avait Plémo, ouais, Zach. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein d'autres groupes un peu bizarres. Ouais, qui n'existent plus. Ouais. Mais je me la réécoute de temps en temps, le samedi matin, dans le ménage, je trouve ça cool. Je repasse et j'écoute Rock Sound. Parce que je suis un jeune dans le vent. Ok. Superbus. En 13e, Immolation, du death metal américain. En 12e, Helder, avec du Stoner. Oh, j'ai marqué du Stoner Bank. Stoner Bank. Moi, je veux bien m'inscrire dans cette banque. Salut. Je voudrais accéder chez eux. Ouais, pas de problème. T'as pas 500 balles. Ouais, c'est cool, ok. Je te fais un crédit à 1-1, y'a pas de soucis. Tu veux un riff? J'imagine la scène qui a pas de sens. Mais qu'ils ont ça grave, tu veux un riff? Ok, en 11e, Body Count, qui fait du rap metal et featuring Ice Cube. C'est ce que j'allais dire. En 10e, Bell Witch Mirror Reaper, qui est du sludge Funeral Doom. Vous voyez, ok. Bah attends, eux sur leur site, ils disent qu'ils font un metal de niche. Du coup, du Funeral Doom. Un metal de niche. Ah ouais, bah oui. En 9e, Converge, avec du punk hardcore. En 8e, Cannibal Corpse, avec du brutal death metal. Ça, moi, ça, c'est le genre. Ouais, nous, on fait du brutal. Ouais. Alors que je suis en train de chialer. En 7e, Enslaved, du black metal viking. Ah, c'est quand même vachement basé sur le black and death. Ah bah, et du punk hardcore aussi, un peu quand même. Bon, il y a un album. Non. Bah non, il y a Converge, il y a Body Count, il y a. Tu vois Body Count, punk hardcore. Mais j'ai pas fini. Ah oui, pardon. Zeal et Ardor, qui est un projet musical d'avant-garde. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est... En 5e, il y a Paul Bearer, qui est du Doom. En 4e, Dying Fetus, qui est du death metal. En 3e, Code Orange, qui est du punk hardcore. En 2e, Mastodon, qui est du sludge progressif. En 2e? Ouais, en 2e. Et en 1er, Power Trip, qui est du crossover trash. D'accord. Et donc, ce que je trouve intéressant dans cette liste, déjà, bah, mis à part que je connais pas bien la moitié, déjà. Ouais, je connais deux noms, ouais, une voilà, bonne partie, mais... Voilà, j'en connais une bonne partie de noms, mais il y a des trucs que j'avais pas écouté, donc je vais approfondir ça pour faire un retour plus intéressant. Mais je voulais prendre un pari ici même. Pas tout, hein, quand même. Si, j'irai tout écouter, mais après, t'es pas obligé de tout aimer. En fait, t'es pas obligé d'aimer ce que t'écoutes. Ah, c'est ça le mais truc oui. Ah merde. Non, mais ouais. Alors, parce que moi, je me force à aimer Dimmu Borgir, par exemple. Ah, quel est... Pourquoi? je ne sais pas. À cause des synthés? C'est violent, hein. Ah. Non, je n'aime pas. Non. Je te dis non. Non, d'accord. Non. Du coup, non, je voulais prendre un pari ici même. Je dis que dans cette liste de 25, il y en a au moins la moitié qui seront Hellfest cette année. Tu crois? Bon, bah, il y a déjà Body Count. Donc, on en retire, ça fait 24, 12... je vais pas dire. Non, allez, je dis qu'il y en a 12 sur. Ouais. Ouais, je pense. C'est cohérent. Ok. Moi, je prends ce pari. Si j'avais eu une bière de plus, je t'aurais dit il y en aura 15. Ouais, ouais. 12. Ah, même 13, quoi. Oh, mais non, 13, il y a body count. Donc, je pense qu'il y en aura 13. Oui, voilà. Donc, 12 sans body count. 14. Non, mais c'est totalement possible. Et du coup, ça serait assez intéressant. Autant d'écouter ça. Que... Comme je dis, il y a pas mal de black et de death quand même. Quoi. Bah donc c'est possible. Oui, non mais voilà. Ouais. Voilà, donc moi je dis j'ai bon. Mmh. Non mais je trouve ça intéressant d'avoir un top 25. Bon après, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est pas le top 25 que tu vois tout le temps. Non, en vrai, non voilà, c'est donc, sûr. Donc c'est plus pour ça ça m'a intéressé en fait. Il y aurait eu genre les Queen of the Stone Age, Foo Fighters... Oui, tout ce qui est sorti en fait. Voilà, là, t'aurais fait bon, bah non, merci. Ouais, bah, oui. Par contre, tiens, faudrait que tu m'y fasses penser, mais j'essaierai de retrouver celui d'année dernière pour voir. Ouais. À titre d'info, qu'on fasse une petite comparaison. Carrément. Voilà, donc sinon, est-ce qu'il y avait d'autres news qu'on a? Alors, il y a d'autres affiches de festivals qui sont sorties. Tu en as noté quelques-unes? Ben bah, ouais, j'en avais noté quelques-unes. Parce qu'en en fait, on s'intéresse forcément toujours un peu à festival, mais c'est surtout, on se rend compte avec les dates qu'il n'y a pas de raison que le Hellfest ne sorte pas, vu qu'il y a des trucs bien plus tard qui sortent, des trucs... Il n'y a que des trucs qui sortent, en fait. T'as l'impression que tous les festivals ont annoncé des choses et... J'en avais vu en France, si je ne me trompe pas. Bah, j'avais celui-là, mais celui-là est très loin. Donc après, Columbus, hein, ça fait un peu loin dans l'Ohio. Hein. Est-ce qu'il y a, bah, y a les Metal Days, hein, qu'on sortit. Eh ben, je me demande si c'était pas avec les Toy Dolls et qu'est-ce que j'avais vu d'autre. Bah, vas-y, regarde tes trucs, moi je vais regarder pour les Metal Days. Comme ça. Rock Marathon. Qui se situe, je l'ai vu tout à l'heure, autant pour moi, en Hongrie, qui est déjà un peu plus proche. Oui. Si on veut voyager. Voilà. Donc 2018, tac, c'est le. En juillet, du 9 au 14. Ah bah j'ai rien. Rock Marathon. Oui, donc oui, forcément, il porte bien son nom, c'est du 9 au 14. Ça fait pas mal. C'est énorme. Ça fait pas mal de jours. Avec, entre autres, Al Storm, Cannibal Corpse, The Toy Dolls, Ice Earth, ah bah Power Wolf. Mm-hmm. Il y a les GBH, groupe de punk hardcore. Que tu aimes bien. Ouais. Après, voilà, il y a pas mal de petits groupes, enfin, de petits groupes, je ne sais pas, mais il y a pas mal de groupes dont je ne connais pas le nom. Il y a un groupe de, certainement, Death ou Black, forcément, qui est illisible. Mais il y a un pentagramme. Ah, donc, des vrais. Ouais, donc voilà. Je vais essayer de vous le lire, mais try to remember when I feel so tender. Ça doit être ça, je crois. D'accord. Ouais. Bah écoute, c'est mes préférés, moi. Tu crois? Ah bah écoute, voilà. Bon, j'ai l'affiche du Metal Day, moi, si tu veux. Si tu... Ouais, je veux, ouais. Alors, le Metal Day qui se passera en Slovénie, le 20... Putain. Faut voyager, c'est vrai. Ah ouais, non, mais du 22 au 28 juillet. C'est possible. Très bien. Eh ben, clap, clap, clap. donc en Slovénie, les Metal Day avec en headliner Accept, Hatebreed, Alstorm, Cannibal Corpse, Epica, Municipal Waste, Ensephirum, Vata, Black 2, j'arrive pas à lire, Loudness et Coroner. Attends, toi tu sais peut-être lire celui-là, j'arrive pas à... Vatain peut-être. Ah, peut-être Vatain. Et en plus petits groupes, Battle Beast, Diamond Head, Belphegor, Primordial, Shining, Girls School. Je connais pas grand chose. Moi, ouais, c'est pareil. Eight, Rage, Mirkur, Darkned, Nocturne, Slaughter, Cult. Voilà, et puis il y a beaucoup de noms que je connais pas du tout pour le coup. Voilà. C'est bah écoute, c'est intéressant d'aller se renseigner. Bah oui, là pour le coup, ça aussi c'est intéressant. Et en plus, c'est qu'une partie de sa programmation. Tu m'étais en même temps sur autant de jours. Voilà, donc ça, c'était quelques autres affiches qui sont sorties. T'en as d'autres ou pas? T'en as pas d'autres? Mais j'en avais, mais je les ai un peu, je pense, perdus. T'as mal géré ton truc? Ouais, je crois. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Faut que je me partage plus. Faut ou que tu fasses un document, fais-toi un document Google. Ouais, je vais faire ça. Tu sais, avec un lien. Ouais. Comme ça, c'est vachement bien. Sinon, autre petite news amusante, parce que je suis retombé dessus là tant que j'y étais. Il y a eu... attends, faut pas que je me trompe. Ah ouais. Le premier ministre danois qui a offert un cadeau métal au président indonésien. J'ai vu ça, Master of Puppets. Ouais, Master of Puppets signé et tout ça en disant « Ouais, c'est avec le meilleur batteur du monde. » le mieux payé. Non, par contre, moi, je veux bien le coffret en vrai. Hein. Il a l'air sympa. Ah, il est stylé. Ouais. Ah, il est méga stylé. Hein. Voilà. Donc, c'était une petite... Je pensais que c'était un fake au début, puis en fait... Attends, tu crois qu'ils ont quoi là-bas de mieux? Non mais voilà, c'est pour ça. Non mais je pensais, c'est ce que ça se fait beaucoup, les montages photos comme ça, oui, où t'as les mecs qui font un peu... Voilà. Ouais. Bah là, il est vachement bien fait. Super. Donc ouais, non, c'est cool, c'est cool. Ah, t'es en train de chercher quelque chose? Ouais, non, non. Bah, il faut que je meuble ou pas? Non. Très bien. Forcément. Ah, d'accord. Donc je laisse un silence. Ah, il me répond pas. C'est... Non mais pourquoi? Qu'est-ce que quoi? Mais parce qu'il faut dire quelque chose là. Ah, bien sûr. Bah, tu cherches quelque chose ou pas? Ben non, je cherchais pas en fait. Ah, une... très bien. Alors, la dernière grosse news, ouais. C'est les nommés pour les Grammy Awards 2018. Alors, on n'a pas les vainqueurs, hein, du coup, vu que c'est le... Ben non, pas encore. Pas encore. La semaine prochaine, non? Je sais pas, c'est quand les Grammys? C'est... Alors là... Ok. Ah, le 28 juillet prochain. Ouais, bah la semaine prochaine, donc c'est bon. Quasiment, hein. Mmh. On tient à rappeler quand même que l'année dernière, il y avait eu Gojira qui avait été nommé dans la catégorie Best Rock Album. Mmh. Et Best Metal Performance pour Silvera. C'est Cage the Elephant qui était reparti avec le Award dans la première catégorie et Megadeth avec Dystopia dans la seconde. Comme quoi, moi, j'aurais pas voté comme ça. Bref, En best metal performance, nous avons August Burn Red avec Invisible Enemy, Body Count avec Black Hoodie. On peut noter que Body Count, ils sont un peu partout quand même. Hein. C'est vrai. Donc il faut vraiment que je me penche sur cet album. J'ai réécouté un peu vite fait. Et la première chanson, elle est avec Dave Mustaine, t'as l'impression qu'il veut faire de la guitare pendant tout le morceau, il vient faire des petites notes à côté, c'est un peu saoulant. Ouais. Code Orange, encore eux, avec Forever, qu'est-ce que je dis ? Mastodon avec Sultan Curse. C'est ton côté Dick Rivers. Ouais, tout ce qui est à base de rivière et de... C'est ça. Alors, Meshuga avec Clowers, donc ils ont sorti un truc Meshuga, donc apparemment. Eh bien, écoute, je note. Allez, écoutez Meshuga. Tu mets Body Count et Meshuga. Et peut-être Code Orange aussi, parce que c'est... T'aimes bien tout ça. Bah, j'aime bien les Codes Orange. J'aime bien les Codes Orange. En best rock album... déjà, pour l'instant, en termes de métal... Ouais, je vais dire en termes de métal performance... Voilà. En termes de métal performance, tu veux dire, je sais pas, j'en ai vu aucun. Il y a 2G à Meshuga. Hein. Oui, et 14H. En best rock album, on a Mastodon avec Emperor of Sound. Là, tu es d'accord. Bon. Metallica avec Hardwire, To Save This Rock. Là, tu es d'accord. Wow. Nothing More avec The Stories We Tell Ourselves. Là, tu es... Wow. Moi, d'accord. Queen of the Stone Age avec Vilain. Wow. Pareil. Et The War on Drugs avec A Deeper Understanding. Wow. Moi, je le donne à Metallica, mais perso. Voilà. Perso. Là, tu vois, je suis entre... Comment dirais-je ? J'ai les couilles dans un étau. Une sensation bizarre, mais oui. Écoute, tu veux savoir ce qu'une mammographie, tu te fous une couille dans un étau. Je ne sais pas. Ah bah tu vois. Franchement, ne connaissant pas bien en plus les autres groupes. Sont... Alors, moi j'ai été écouter Nothing More parce qu'il revient un peu plus tard avec une autre chanson. C'est de la merde, je pense un peu. Hein. D'accord. Moi je sais pas. Ça te plaira pas. D'accord, bon, ok. C'est pas ce que j'écoute. Tu peux être surpris. Tu verras. Je te ferai écouter. Non, je pense que j'irai pas. Non, je te fais. Attends, j'en ai plus. Ah, on ne trinque pas avec une vide. Ah, excuse-moi. Malheureux renard. J'ai pris la lèvre parce que j'ai l'impression que tu voulais pas reprendre une élixir. Bah non, c'est en fait, je fais entre deux. Je fais un sandwich. Ah, mais t'es un génie. Je fais le sandwich de la bière. Comme ça, je finis par de la qualité. Moi je la trouve pas ouf de dingo, moi c'est pas. Oh dis donc. Elle est bonne mais c'est pas, tu vois, j'y retournerai pas forcément. Mais je suis. Il faut tester pour se donner un avis. C'est ce que je fais. Ça c'était pas trop. Non mais non moi beaucoup moins que mon. Donc entre, bah, non mais arrête de te raconter n'importe quoi entre Mastodon et Metallica. Je sais pas franchement parce que j'apprécie beaucoup aussi le Hardwire tout Self Destruct. Du coup. Je suis certainement... Ouais, non, je sais pas, j'en sais rien. Et mon cœur va plus vers Mastodon. Et du coup, la lèvre, elle a un autre goût. Hein. Ah, tu vois ? C'est violent. Ah, haha. Oh. Elle a pas du tout le même goût ? Haha. Il y a quoi dans celle-là ? très bien. Et ben, passons maintenant à la... Ah, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je me raclais un petit peu le fond de la gorge. En best rock performance, on a Leonard Cohen. D'accord. Mmh. Bah, Chris ouais. Cornell. Ouais, comme par hasard. Ouais, c'est clair. Foo Fighters. Kaleo. Géro. Non, juste Kaleo. Ah, d'accord. Et tiens, comme quoi, tiens, en parlant de Kaleo et Géro, Ultra Vomit vient à Hérouville Saint-Clair en février ou mars. Oui, c'est vrai. Tu as vu ça ? Ouais, j'ai vu ça. Cargo. Ah, c'est au cargo ? Non, c'est pas au cargo. Bah non, Hérouville Saint-Clair, c'est pas le cargo. C'est donc. C'est le BBC. C'est le. Ah ouais ? Mais je pensais que c'était... Après, c'est peut-être... On vérifiera. On va vérifier. On voilà. Vous tiendra au courant. Ne vous Cargo inquiétez pas. Géro. On ne vous laissera pas dans les spectatives. Et Nothing More en Best Rock Performance. Donc, pour l'instant, ça fait quand même... Ouais, non, deux trucs. En Best Rock Song, Avenged Sevenfold avec The Stage. Je dis non. Foo Fighters avec Run. Je dis potentiellement oui. K-Flay avec Blood in Cult. In the Cult, pardon. Je ne connais pas. Metallica avec Atlas Lies, je dis complètement oui. Et Nothing More avec Go To War, je dis non. Non, ah non, bah je mets Metallica. Ah, mais tu vas pas voter que pour eux. Hein. Cette chanson-là, quand je l'ai entendue, je l'ai écoutée 8 fois d'affilée. Je crois que j'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné. Sérieux ? Ah, je crois. Non, mais à la fin, parce que tu sais, quand il y a un moment donné, ils font une espèce de truc à deux guitares, mm-hmm. un truc à harmonie, et je trouvais qu'ils arrivaient à monter le morceau tellement haut que j'ai fait putain, ils sont encore capables de ça, les bâtards. Mais vraiment. Ils sont pas si vieux que ça, ça va quoi, j'ai. Ouais, mais le truc d'avoir des frissons, tu l'as pas. Tu peux ne pas le ressentir, tu peux aimer un truc sans. Là, ils m'ont mis des poils. Ah ouais. Ah ouais. Parce que t'en avais pas assez. Perso. Oui, voilà. Ça ne nous regarde pas. Non, donc, mais par contre, je trouve que en Best Rock Song, Foo Fighters Run, très très bon choix aussi. Hein. Ouais. Vraiment. Voilà. Et ben, donc, voilà. Ouais. Tout à fait. T'as d'autres trucs à dire, toi ? Comme ça, là, tout de suite maintenant. Ouais. Tu peux me parler un peu de toi si tu veux, ça va en ce moment? Ouais, ça va. Ouais, fatigué, mais ça va. Mais comment ça se fait? Je sais pas, peut-être morpion. Quelle idée. C'est vrai. Ouais, non, moi, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas. Non. Heureusement. C'est ça. Donc, voilà. Écoute, ça fait 1h05. C'est un petit épisode. Mais en même temps, on n'avait pas grand-chose à dire non plus. Bah voilà, c'est ça. Donc on va arrêter là, je pense. Hein. Ouais. On espère que ça n'aura pas été trop désagréable. Oui, tout à fait. Nous, on a passé un bon moment. C'est vrai. On a ri. Oui, on a pleuré. On s'est tenu dans les bras. On a mangé du riz. Voilà. Très bien. Bon, faut quand même que tu nous lises une carte parce qu'on en a pas lu une seule ça va manquer. C'est vrai. Ouais. Alors c'est quoi comment tu répartis les cartes alors parce que moi je. Là en fait c'est un bordel hein. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Oh ça c'est un nom bien compliqué. Trias. Attends. Je me mets au spectacle. Mets-toi en condition. Donc c'est les airs hein. L'air Trias. Donc c'est un air. Ah c'est les airs ça. Ouais d'accord. C'est les airs tu vois. Donc en fait à la base c'est oui. Et au CN, c'est pas le metteur en scène. Hein, là t'as le Crétacé et là t'as le Permien. Bah, voilà. Je suis très nul en air. Ah bah écoute. Tu pourrais les situer dans l'ordre. Ah un petit retour. Excusez-moi madame. Non, je pourrais vraiment pas. Mais je pense qu'à mon avis c'est dans l'ordre. Parce que tu vois, il y a des chiffres, toi, 3, 6, 7. Et du coup, ça, je pense que ça peut aider. Non, tu crois? Tu vois pas tu le truc? Si, je vois, mais donc tu crois qu'il y a un lien? Ah bah attends, parce qu'il y a genre pas de 1. Il y a du 2, tu vois. Il y a le carbonifère. Non, parce que t'as un autre tas de cartes sous ton téléphone, là. Ouais, parce que ça, tu vois. Il n'y a pas de 1. Ah si, il y a du 1. Alors, le 1, c'est le dévonien. Tu vois, par exemple, avec le Cocostus. Ah, bah voilà. Le Cocostus. Ah, Quoiqu'était-ce donc le Cocostus? Eh bien, le Cocostus, déjà, pour ceux qui... Hein, ça s'écrit C-O-C-C-O-S-T-E-U-S. Le Cocostus. Oh, tu m'as perdu à CC, moi. Bah, donc, 400 millions d'années avant nos jours. Oh. Quand même. C'est pas tout jeune. Hein. Il est vieux. Le Cocostus a un cou articulé. Bah, moi aussi. Oui. Je crois. Poisson rapace aux puissantes mâchoires. Aïe. Ça rigolait pas à cette époque-là. Avec de fortes plaques osseuses. Pourquoi? Est-ce que ça le démangeait? Aïe. Ça peut arriver, hein. Tu sais, une mauvaise peau et tout de suite. Un poisson, c'est pas évident quoi, quand ça te démange quelque part, tu te dis ah ça me gratte le pied, tu vois, est-ce que tu peux te gratter? Bah, c'est vrai, on sait pas toujours. Hein. C'est vrai ça. Un poisson qui a le pied qui le gratte, comment il fait? Oui. Ressemblant à des dents. Voilà. Tout petit à l'origine, ils deviendront plus tard des monstres, pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de long. En une fois? En une fois, comme ça. Pouf! 10 mètres. C'est tout. Voilà, très bien. Ah bah refais quand même celle que t'avais prévu de faire parce que sinon, tu l'as perdu. Ah bah non, parce que le nom... alors, donc, de l'ère Trias, 225 millions d'années avant nos jours. C'est pas tout jeune. Le Thanistrophus. Eh, je pense qu'elles sont fausses tes cartes. Parce que t'as vu la date? Et c'est même pas en noir et blanc. Ouais, c'est en couleur. C'est en couleur. Alors que la couleur, à cette époque-là... Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et la photographie, ça existait pas non plus. Comment ils ont fait? C'est complètement ouf. Il y avait personne en plus pour savoir tout ça. Avec cet animal qui ressemblait davantage à un serpent qu'à un lézard. Attends, tu sais ce que je pense, ça? Ça, c'est des gens qui essayent de nous faire croire que la Terre, elle est ronde. Putain, alors qu'elle est plate, quoi. Ouais, plate comme un cul. Manipulation, bordel de merde. Nous sachons. Écoute, ne sachons pas trop. Bon, allez, on se casse. Il y en a marre. On a Tekken qui nous attend. On a d'autres choses à foutre que de raconter de la merde. C'est vrai. Et puis, la fin de la dernière fois était beaucoup trop longue. Mm. Notez que je n'ai rien coupé. Hein. Je n'ai rien coupé. Eh bien, comme le dit si bien l'adage... Vieux motard que j'aimais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, pas celui-là, l'autre. Indien vaut mieux que tutubeur. Non plus. Non. Non, ton adage, putain de bordel de merde. Mon adage. Déjà, bah, j'ai pas de remorque, donc pas ce que je foutrais avec un adage. Oh, la tristesse. Ah, c'est clair. Non, faut qu'on arrête là. Mais non, ce que tu dis tout le temps, c'est ton adage. Ah, ce que je dis tout le temps. C'est bon. Ah, putain. Donc, comme le dit si bien l'adage. Ah, putain. C'est pas ça. Bah, c'est pas, c'est ce que je dis tout le temps. Non, le mec, il a un truc à dire par semaine. Attends, je vais le noter. Mais non. Je vais le noter. Tu sais quoi, comment tu termines? Comment je termine? Bah, sûr, en général, plutôt bien. Bah, excuse-moi, j'ai voir vu... Voir à quatre pattes. J'ai vu deux, trois fois, c'est pas plutôt bien, non. Non, tu dis à la fin toujours... Un, et on, un. Pourquoi je dirais ça? C'est complètement con. Un. Attends, je vais noter. Comment t'écris ça? Comme ça se prononce. Un, ah non, ça commence avec pas un H ou... Comme dans mes Meshuggah. Non, mais le mec est vraiment en train d'écrire. Ma. Ou. Non, parce que, attendez, il a un cahier où il note ce qu'il faut amener pour cette semaine. Il n'y avait rien de marqué. Moi aussi, regarde. Eh, mais toutefois, le vitriol Death Metal que j'ai trouvé sur YouTube m'a bien plus. Pour cette semaine? Ah non, ça c'était il y a deux saisons. Non, vas-y. Ma. Ou. Un. Un. Avec un H au milieu? Oui. Un. Un. Ah, ouais. Ok. Non, quand, vas-y, on va faire. Mais oui, mais non. Non, non, non. Bon, d'accord. Et comme le dit si bien l'adage. Ma. Oh, hein, ah. Ah, bon, alors. Bon, à la fin, on termine toujours de la même manière. Toi, tu dis. Hey. On vous fait des bisous et on vous. Fait pas et on vous emmerde. Voilà. Ah, donc, ouais. C'est bon, t'es prêt? Donc, comme le dit si bien l'adage. On vous fait des bisous. Non, mais tu te fous de ma gueule, tu fais exprès, putain. Tu trolls, c'est bon, allez, j'en ai marre. C'est le... Allez, je fais un caps tout seul. Bon, bref. On vous emmerde et on vous aime. Voilà, c'est parce que ça. Une très bonne soirée à tous. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, ça l'a quand même plutôt pas mal fait. Ouais, ça va. Et on vous dit à la semaine prochaine, potentiellement. Ouais, ou podcastialement. Oh, podcastialement, ouais, c'est dur à dire. En espérant avoir vraiment des news sur les festivals, et sinon, ouais, un jour. On fera un truc sur le Polysirène. Là, j'ai des idées. Il en existe de plusieurs densités, de plusieurs couleurs. Préparez-vous à vous emmerder pendant une heure. Ok, très bien. Non, en fait, ce qui est chiant, c'est que là, on n'a vraiment pas de news sur le festival et qu'on arrive bientôt à la pause de Noël et qu'entre deux, ça va être un peu... Ouais. Je veux dire, bon... On a une surprise, par contre, pour la pause de Noël. De base, par contre, tous ceux qui arrêtent d'écouter maintenant, on leur en veut pas. Hein. Non, c'est clair, franchement. C'est pas de votre faute. Hein. Et c'est pas de la nôtre non plus. Même ceux qui n'ont jamais écouté, hein, si vous écoutez pas... On ne vous en tiendra pas rigueur. Voilà, en tout cas, une bonne fin de je sais pas quoi à vous. Bah oui, ça dépend parce que, quand en fait, vous l'écoutez. Voilà, c'est ça en fait. Parce que imagine le mec, il écoute en fin de matinée, tout ça. Donc... Bah c'est ça. Eh bien, bon appétit à toi. Ouais, ça va, tu passes un moment. Tu l'écouterais quand, toi? Personnellement, je l'écouterais. Plutôt le soir en prenant l'apéro. Ah ouais? Ah, oui, toi, tu faisais ça. Toi, ça. Ouais. Moi, j'écoute pas mal de podcasts et c'est vrai que. J'ai pas de moment particulier en fait. Moi je le trouve assez sympa, de je le foutais sur mon truc, sur mon 5.1 là, mon home cinéma. Et puis t'aimais bien t'entendre. Non, c'est pas que j'aimais bien m'entendre, mais j'aimais bien quand l'ambiance. Ouais, l'ambiance, les conneries, tout ça. Ça te rappelait les moments. L'ambiance, le café. Est-ce que tu avais un petit air de déjà vu? Bah quoi, je suis polyglotte, je vois pas pourquoi tu réagis comme ça. Ah, c'est atroce. J'ai des gaz qui stagnent. Ouais, le mec est en train de mourir. Hein. Ah. C'est sûrement ton dernier numéro d'ailleurs. Toi, tu chiales et moi, je meurs. Oui, mais ouais, c'est vrai, moi, je pleure beaucoup. Hein. Faudrait que j'aille voir quelqu'un. On est gros sur la tête. C'est l'émotion, c'est ça, on est d'agro. Je pense bon, allez. Qu'on nous utilise bon gré, mal gré pour arriver à sa fin. Et tout ça, c'est pour toi, Joe. Ouais, Joe. Bah, bisous, hein, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai. Bah, la dernière fois que je t'ai vu, tu t'étais rasé la barbe. Bravo. Ah là là, ça y est, ça balance, les copains. Ouais, oh, de la merde. Et même s'il n'y a pas de news, il vient la semaine prochaine, le Joe. Ouais, on le ramène, allez. Oh, c'est bon. Par la peau du derge. Ah ouais, alors, sauf si il bosse. Oh, bah, je peux te faire peur, d'ailleurs, moi, je trouve ça un peu... Bon, bon, après... J'en ai pas eu non plus, hein. Ah ouais? Non? Ah bah super, bravo. Mais il n'y en a pas eu encore? Non, enfin je veux dire, Road to Hellfest n'a pas eu de faire part. C'est vrai. Oh putain, je vais lui dire. Tiens, je. Bim! En direct, mec! Vas-y, balance. Alors. Donc, attends, bougez pas. Non, ça c'est une carte postale. Tac. Cherchons. Ça, je l'ai déjà fait. Tiens, une antilope. L'oïpus. On dirait une maladie vénérienne. Le premier cheval, ah oui, bah ça, c'est ça, qui fait son apparition dans l'histoire est minuscule, 30 à 50 cm. Wow, c'est minuscule. Bah, c'est minuscule. Il habite des luxuriantes forêts et, de par sa petite taille, disparaît dans les herbes. Camouflage. Intéressant. Écoutez-lui sa bâton. Ses pattes se terminent par 4 doigts. C'est étonnant. Étonnant alors. C'est, ben oui. Donc, petit cou, petite tête, petite... Non, ils ont pas fait ça, quand même. Quoi ? Dos arrondi, c'est un cheval miniature. Ils ont mis un truc, à la fin. Ouais. De petit cou, petite tête. Et après, ils ont mis petite bite. Ouais ? Ouais. Je suis naïf, hein, après deux bières. Après deux bières, moi, tu me fais croire n'importe quoi. Alors, nous avons... Non, c'est bon, hein. C'est bon? Attends. Terminé? En plein enregistrement de l'épisode 8 de Road to Hellfest, bienvenue. Yeah. En plein enregistrement de l'épisode 8 de Road to Hellfest, tiens à faire remarquer qu'il n'a pas reçu de faire part. Mm. Voilà, c'est dit. Ah, bah non, mais faut y aller. Dans sa gueule, paf! Ça m'énerve, allez, moi, les mecs comme ça. Ouais. Ils viennent une saison, ils se barrent, ils font des gosses, et après, ouais, on va pas te faire part. C'est clair. Tu sais, c'est comme un mot du médecin, en fait. Ouais. Si t'es pas là, si t'as fait un gosse, bah, il est où le faire part? Bah, voilà. Fais la preuve. Ouais. Voilà. Chez mais carrément, on n'a pas la preuve en fait qu'il a fait un gosse. Mais oui, bah, je l'ai vu. Mais ça se trouve, c'était pas le sien. Il l'a emprunté. Par contre, c'est vrai. J'ai vu le gosse avec sa mère, mais je l'ai pas vu lui avec le gosse. Bah voilà. Ça se trouve, il ose pas le toucher parce que c'est pas son gosse. Il l'a emprunté à un pote ou un truc comme ça pour dire oh, excusez-moi les gars. J'ai pas pu faire la saison 2, regardez, c'est quand même à moi tout ça. Putain. Par contre, c'était vachement bien fait parce qu'elle avait quand même pris vachement cher. Oui, mais attends, tu sais, il y a des mecs, tu sais pas jusqu'où ils sont prêts à aller pour... Pour mentir. Pour mentir. Mais c'est le plaisir de mentir, alors. Ah, mais totalement. C'est un malade, en fait. Totalement. Peut-être qu'on était en danger, en fait. Je sais pas. Peut-être qu'on l'est encore, maintenant. Bon, allez, on se casse. Allez, salut, et à la semaine prochaine. C'est n'importe quoi. Dis pas à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah, merci. Bisous. Je vous aime.